إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours 6 dans l'explication du livre du Cheikh Mohamed Aman Al-Jami Rahimahullah, Haqiqatu Shura fi l'Islam, c'est-à-dire la réalité de la Shura dans l'Islam. Et donc le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il dit, on est arrivé à ce point dans le livre où il dit Athar al-Mu'azara fi Idhar al-Haq. Athar al-Mu'azara fi Idhar al-Haq. C'est-à-dire, l'effet du support et de l'aide dans le fait d'exposer et de montrer la vérité. Et le Cheikh il dit ومن هنا أمر مهم وهنا أمر مهم جدا ينبغي أن يفطن له شبابنا المهتمون بالدعوة الإسلامية، إذ ثبت بالتجربة أو بالتجربة أن الحق لا يظهر ولا ينتشر بين الناس أن الحق لا يظهر ولا ينتشر بين الناس ليثبت في الأرض فيتبعه الناس إلا برجلين اثنين، أحدهما داعية شجاع يصدع بالحق ويجهر به، وثانيهما مؤازر قوي شجاع صادق في مؤازرته يتبنى الدفاع عن الحق بل الدعوة إليه مهما كلفه ذلك، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم بل يصبر ويحتسب. فلو يعني سبحان الله le Cheikh il explique et il dit il y a ici une chose très importante que les jeunes qui s'occupent de la da'wah islamique doivent comprendre. C'est quelque chose qui a été confirmé par l'expérience. Et c'est que la vérité ne peut pas devenir apparente et avoir le dessus et se propager parmi les hommes pour rester ferme sur la terre et pour que les hommes le suivent, excepté par l'effort de deux hommes, de deux catégories d'hommes. La première catégorie, c'est le da'ya, qui est courageux et qui expose la vérité et qui dit la vérité ouvertement. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est le supporteur qui est fort et courageux et véridique, qui supporte celui qui fait la da'wa. Et qui défend la vérité et qui appelle à celle-ci, peu importe ce que cela lui coûte ou lui demande comme charge. Et il ne craint, il ne prend le blâme d'aucun blâmeur, c'est-à-dire il ne s'arrête pas pour le blâme des gens qui vont lui faire des blâmes parce qu'il a défendu la vérité. et il est endurant et patient face à l'adversité et face aux épreuves et aux conflits. Ensuite, le cheikh il dit: فلو أمعنا النظر في تجديد الأئمة الثلاثة المشاهير الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله نجد أنه لا يقيد لتجديد الإمام للإمام أحمد ولا لتجديد الإمام أحمد ابن تيمية أيضا ولم يقيد لهما مؤازر كالذي قيد لدعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب وهو أمر غير خاف. Donc le cheikh explique et il dit que si on observe profondément et comme il faut la situation de la réforme qui a été faite par les trois imams célèbres, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah, on trouve que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas permis ou donné à la réforme de l'imam Ahmad ibn Hanbal ni à la réforme de l'imam Ahmad ibn Taymiyyah un défenseur ou un supporteur dans cette da'wah, contrairement à l'exemple du cheikh de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, parce que lui il a eu un supporteur dans sa da'wah et c'était l'imam Muhammad ibn Saoud, comme le cheikh va l'expliquer. Donc il dit: fa'amma al-imam Ahmad فقد كان خصمه هو الخليفة المأمون نفسه كما أسلفنا فلما هلك المأمون تبنى الدعوة إلى القول بخلق القرآن ونفي الصفات وتعذيب الإمام لرفضه عقيدة الاعتزال وثبوته على عقيدة السلف تبنى ذلك الإمام الثامن المعتصم وهو الذي تولى تعظيم الإمام أحمد في ثم الخليفة التاسع الواثق بالله ثم ولم ترفع المحنة إلا في عصر المتوكل على الله الخليفة العاشر من خلفاء بني العباس كما تقدم تفصيل ذلك Donc le cheikh explique que l'imam Ahmad il avait comme opposition le khalifa al-Ma'moun lui-même, comme on l'a expliqué précédemment, et lorsque al-Ma'moun est mort, et bien la da'wa de khalq al-Qur'an, l'appel à dire que le Qur'an est créé et l'appel à la négation des attributs a été reprise par le khalifa suivant, qui était le huitième khalifa de Bani al-Abbas, qui s'appelait al-Mu'tasim Billah. Il a continué à torturer l'imam Ahmad parce qu'il avait refusé d'accepter la aqidah des Mu'tazila et qu'il est resté ferme sur la aqidah des salafs. Ensuite, il y avait le neuvième khalifa, c'était Al-Wathiq Billah. Et lui aussi, il a continué à torturer l'imam Ahmad ibn Hanbal, la torture a continué jusqu'à la période de l'imam, le khalifa Al-Mutawakkil ala Allah. Et c'était le dixième khalifa de Bani al-Abbas, comme on l'a expliqué. فالإمام أحمد إذن فريد وقته يدعو وحده ويدافع وحده ويعذب وحده في سبيل الدعوة السلفية والثبات عليها فضلا من أن يكون له مؤازر رحمه الله ورضي الله عنه. Donc le cheikh il dit, l'imam Ahmad, hein, il est donc unique à son époque. Il appelait lui seul, il défendait tout seul, et il était torturé tout seul dans la voie de la da'wa salafiyya et dans le but de rester ferme sur la voie salafiyya. Et ça c'est sans mentionner le fait que c'est-à-dire sans oublier qu'il n'avait pas de supporteur, hein? C'est-à-dire qu'il défendait tout, hein? Il défendait la salafie à tout seul et il n'avait pas de supporteur avec lui. أما الإمام أحمد ابن تيمية فإنه وإن كان له قبول عظيم في أوساط عوام المسلمين لما عرف عنه من نصحه وتعليم الناس العلم وله هيبة وتقدير لدى السلاطين لما عرف عنه من بذل النصح ولما عرف عنه من بذل النصح والتحريض على الجهاد في سبيل الله في أيام التتار ولكن علماء السوء ضاقوا منه صدرا واتفقوا على عداوته ومقاومة دعوته السلفية مما جعله وحيد وقته مثل إمامه دون وجود مؤازر لدعوته. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne l'imam Ibn Taymiyyah, eh bien malgré qu'il avait le commun des musulmans il y avait une grande acceptation de leur part par rapport à sa da'wa et ils avaient un grand respect pour lui et ils l'aimaient, et la raison de ça c'est parce que il était connu pour sa sincérité, il était connu pour son enseignement, du fait qu'il était sincère dans son enseignement aux gens, et il avait un grand respect également de la part des dirigeants à son époque, qui le respectaient grandement, parce qu'il était connu comme étant une personne qui donne le conseil et qui incite les gens à lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier dans à l'époque des Tatars, hein, il a incité les gens à les combattre. Mais les ulama, les mauvais ulama ussou, hein, ils avaient le cœur étroit par rapport à lui, hein, et ils se sentaient, dans leur cœur, ils avaient quelque chose contre lui, et ils se sont donc mis d'accord pour essayer de combattre et d'opposer sa da'wa salafiyya. Et c'est pour ça que étant donné qu'ils se sont tous mis d'accord contre lui pour l'attaquer ou pour contrer sa da'wa salafiyya, eh bien il était donc unique à son époque, hein, comme son imam, c'est-à-dire l'imam Ahmad ibn Hanbal, parce que c'était un Hanbali, hein, et il n'y avait personne pour le supporter, il n'y avait pas d'autre, il n'y avait personne qui allait le supporter à son époque, qui acceptait de le supporter. ولذلك لم يستفد من دعوتهما وتجديدهما وإنتاجهما في وقتهما على الوجه المطلوب حتى هجرت مؤلفاتهما بل هاجرت بعضها إلى خارج بلاد المسلمين ولم تظهر لتطبع وتنتشر بين الناس إلا في عهد التجديد الثالث المبارك تجديد الإمام محمد ابن عبد الوهاب الذي توافر له الأمران المذكوران داعية يصدع بالحق ويجهر به وهو الإمام المجدد نفسه ومؤازر شجاع قوي صادق وهو الإمام محمد بن سعود. Donc le cheikh il dit, et c'est pour ça que les deux imams en question qu'on vient de mentionner, l'imam Ahmad et l'imam Ibn Taymiyyah, les deux, on n'a pas profité beaucoup de leurs réformes à leur époque, hein, de la façon qui était voulue, hein, et leurs écrits ont été délaissés à leur époque, même que certains d'entre ces écrits même ont été ramenés dans les pays, en dehors des pays musulmans, c'est-à-dire dans les pays des Européens, hein, des Occidentaux. Ils ont pris les livres des musulmans, et comme par exemple certains livres de Ibn Taymiyyah, et ils les ont même ramenés en Europe avec eux. Donc on les retrouve aujourd'hui dans les bibliothèques des koufars, dans les pays des koufars. Donc ça c'est pour dire, hein, qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est souvent comme ça. Hein, Allah musta'an. Ces manuscrits de ces livres-là, on les retrouve dans les librairies, dans les bibliothèques des pays occidentaux. Et le cheikh, il dit ensuite, أيام التتار ولكن علماء السوء on a lu ça. Donc il dit حتى هجرت مؤلفاتهما مؤلفاتهما اي نعم حتى هجرت مؤلفاتهما بل هاجرت بعضها إلى خارج بلاد المسلمين. Donc c'est ce qui est arrivé avec les livres, et ils ne sont pas revenus pour être publiés dans les pays musulmans excepté à l'époque de la réforme. Excepté à l'époque de la réforme du troisième imam, hein, l'imam qu'on a mentionné, le troisième d'entre eux, c'est-à-dire l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, hein, qui a reçu, lui, les deux aspects qu'on a mentionnés, c'est-à-dire un da'ya qui est courageux et qui expose et qui montre la vérité ouvertement, et c'est l'imam Ahmad lui-même, et un supporteur qui est courageux, qui est fort, c'est-à-dire l'imam Muhammad ibn Saoud, et c'est lui qui a supporté la da'wah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab pour l'aider à la propager. Ensuite le cheikh il dit وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الْمُسْلِحِينَ دَائِمًا وَأَبَدًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Donc le cheikh il mentionne que c'est ça la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux réformateurs. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça, hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat al-Ahzab, le verset 62, il dit c'est la règle d'Allah, il y en a chez ceux qui ont précédé, et tu ne trouveras jamais de changement dans la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit ويشهد لهذه الحقيقة التي أشرنا إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بداية دعوته يعرض نفسه على القبائل فيطلب من يحميه حتى تؤدي أو حتى يؤدي رسالة ربه فيطلب من يحميه حتى يؤدي رسالة ربه وقد قيد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من يحميه ويحمي دعوته ويؤازره حتى من بعد من لم يؤمن برسالته مثل عمه أبي طالب وقد كان أبو طالب ينافح ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤمن بدينه لكن بحكم المحبة الذاتية القريبة فيقول أبو طالب في ذلك ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Donc le Cheikh il dit, et une des choses qui témoigne de ce qu'on vient de mentionner, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa da'wa, il se présentait aux différentes tribus et il demandait aux différentes tribus de le protéger. Il disait qui va me protéger pour que je transmette le message de mon Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des gens qui le protègent et qui le défendent dans la protection, dans la propagation de sa da'wa. Par exemple, même parmi les non-musulmans, même parmi les kuffars, les non-croyants, comme par exemple son oncle Abu Talib qui était un mushrik et qui est mort dans le shirk, il n'a même pas cru en l'islam lui-même, mais Abu Talib défendait son neveu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, malgré que il n'a jamais cru, il le défendait uniquement par rapport au lien de parenté qu'il avait avec lui et l'amour personnel qu'il avait pour lui, l'amour qui n'était pas un amour religieux mais un amour naturel qu'il avait pour son neveu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Talib il dit, j'ai su que la religion de Muhammad est la meilleure des religions du monde, et que si ce n'était que du blâme, que la crainte du blâme et la crainte de l'insulte, eh bien tu m'aurais vu exprimer cela et dire cela ouvertement, clairement, que c'est-à-dire que la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité. Donc, il dit, je sais que c'est la meilleure religion et que c'est la vérité, mais j'ai peur d'être insulté par mon peuple, j'ai peur ou bien je crains de me faire blâmer d'avoir abandonné la religion de mes pères, et ainsi de suite. Donc c'est à cause de ça qu'il est resté dans le kufr et dans le shirk. Le cheikh il dit ensuite, وَبِالْ مُنَاسَبَةِ هُنَا وَبِالْ مُنَاسَبَةِ هَذَا يُؤَكِّدُ لَنَا أَنَّ الْإِيمَانَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْحَقِّ وَلَمْ يَقُلْ بِأَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ فَقَطْ إِلَّا جَهْمِ بْنُ صَفْوَانَ وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ وَهُوَ بَحْثٌ مَعْرُوفٌ فِي مَوْضِعِهِ. Donc le cheikh il mentionne en passant, et il dit que par rapport en passant sur la question, il dit et ça vient confirmer que la foi dans l'islam, c'est-à-dire la foi selon l'islam, c'est quelque chose qui est supplémentaire ou en surplus par rapport à la connaissance. Donc c'est quelque chose de plus que la connaissance. Et c'est ça la position véridique à ce sujet-là. Et il dit, personne n'a dit que la foi c'était une connaissance seulement, excepté Jahm ibn Safwan, l'égaré, parmi les égarés, un hérétique. Et c'est une voie totalement fausse et égarée. Après le cheikh il dit, wa huwa bahthun ma'rufun fi mawdi'i. Ça c'est un sujet qui est bien connu dans son sujet. Lorsqu'on en parle dans les livres, il y a des chapitres spécifiques sur ce sujet-là. Ok. Naam. Donc ça c'est, on vient juste de parler de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a eu un supporteur. Il a eu un supporteur qui l'a supporté, même il n'était pas musulman. Même s'il n'était pas musulman, il l'a défendu dans la propagation de l'islam. C'était son oncle Abu Talib. On a mentionné donc qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là. Après, le cheikh il dit que ça c'est la preuve que la foi c'est quelque chose de plus que la connaissance. Parce que Abu Talib, il connaissait la vérité, mais il ne croyait pas en la vérité. Donc, le fait d'avoir la connaissance, c'est pas suffisant pour être croyant. Donc il y a des fois des gens qui pensent que juste la connaissance de l'islam c'est suffisant pour être un croyant, mais c'est pas le cas. Hein? Il y a les Jahmiyyah qui pensent que la foi c'est la connaissance. Si tu connais l'islam, tu connais Dieu, ça veut dire que tu es croyant. Non, c'est pas vrai. La foi c'est quelque chose de plus que la connaissance, parce que tu peux avoir la connaissance de quelque chose puis savoir que l'islam c'est vrai, mais tu y crois pas parce que tu l'appliques pas, parce que tu te soumets pas, parce que tu obéis pas à Allah, hein, parce que tu refuses de faire le témoignage ouvertement puis de dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, et ainsi de suite. Après, le cheikh il dit khata maqalat al harakiyin, l'erreur de la parole des harakiyin. Et juste par rapport à la yani, par rapport aux harakiyin, aux hizbiyin et à ces gens-là, yani, comme par exemple les frères musulmans, Al-Ikhwan, hier je regardais sur internet, ils montraient une réunion qui a été faite par le Forum musulman canadien, ils montraient une réunion où il y avait des koufars, des musulmans, des hommes, des femmes, tous mélangés, hein. Il y a des femmes voilées, il y en a qui n'ont pas de voile, il y en a qui ont un voile, mais que ce n'est pas un voile islamique, c'est juste un petit foulard avec des pantalons. Puis tu voyais même, ici à Montréal, il y avait même des groupes de gars qui dansent sur la musique. Hein, ils font des danses arabes, là, traditionnelles. Hein, c'est le Forum musulman canadien. Au Forum canadien musulman, c'est des ikhwan en fait qui sont là-dedans. Et je regardais ça, puis tu les vois, ils invitent des politiciens, ils invitent des gens de la mairie ou bien différents partis politiques venir. Ils ont des repas puis ils mangent ensemble. Il y avait même un des imams d'une des mosquées de Montréal. Hein? Donc c'est pour dire que eux, ils pensent qu'ils sont intelligents, parce qu'ils essaient d'agir au niveau politique avec les responsables pour créer des relations avec eux, pour créer des liens avec eux et des choses de ce genre. Sauf qu'ils ne font aucune da'wa à l'islam, ces gens-là. Hein? Leur intérêt, ce n'est pas d'appeler les gens à Allah, d'appeler les gens à l'islam, d'enseigner aux musulmans leur religion. Non, ce n'est pas ça leur intérêt. Leur intérêt, c'est uniquement de créer des liens et des intérêts pour la dunya. Donc, ça c'est leur attitude, mais ils font ça aux dépens de l'islam et aux dépens de la da'wa de l'islam. Et ils se croient intelligents en agissant comme ça, et ils pensent que c'est la manière qu'ils vont réussir à obtenir ce qu'ils veulent, mais ils ne réalisent pas qu'en agissant comme ça, ils sont en train de faire le contraire de ce que l'islam nous ordonne. Et en même temps aussi, ils sont en train de compromettre le message même de l'islam. Parce qu'ils sont tombés dans plein d'oppositions et de contradictions, même dans les fondements de la religion musulmane. J'ai vu une autre vidéo, il n'y a pas longtemps. Subhanallah, ils ont invité dans une de leurs mosquées, je ne sais pas si c'était mosquée Tawhid ou quoi, en tout cas je ne sais pas laquelle, la mairesse de Saint-Michel, du quartier de Saint-Michel, pour venir s'adresser aux musulmans dans la mosquée, devant les gens. Et puis ils lui ont mis un petit foulard pour qu'elle... si on ne laisse même pas les femmes musulmanes qui sont voilées, on ne les laisse même pas venir parler devant les hommes dans la mosquée, quand c'est la Jumu'ah ou autre, pourquoi on va laisser une femme qui est kafira pour venir s'adresser à des musulmans le jour de Jumu'ah, et qui n'est même pas voilée islamiquement? Et non seulement ça, mais c'est en plus pour appeler les gens à des affaires de démocratie et de vote. Donc ça, c'est vraiment ridicule. Ça, c'est juste un exemple pour montrer la contradiction de ces hizbiyyin-là. En tout cas, juste, je voulais montrer ça. Parce qu'il y a les laïcs, eux, ils montrent ces vidéos-là dans leur truc, dans leur site. Ils montrent ça, puis ils disent, regardez, un tel, qu'est-ce qu'il fait, hein, qu'est-ce que cette femme-là, elle s'en va dans les mosquées, elle met un voile. Hein? Ouais, elle montre ça aux autres laïcs ou dit regardez comment elle fait, elle met le voile, tu sais, c'est pour la critiquer en même temps d'être en train d'essayer de se rapprocher des musulmans, d'accepter de porter le voile pour obéir aux règles des musulmans et ainsi de suite, pour pouvoir avoir leur vote. Donc en même temps ils sont en train de la traiter, elle, comme si c'était une hypocrite. Oui, c'est ça, ça c'est les laïcs hein, qui la critiquent de ce point de vue là et yani, donc c'est pour dire comment ils sont en train de manipuler maintenant et d'utiliser tout qu'est-ce qui se passe maintenant d'un point de vue politique toujours pour essayer de yani, d'écraser les musulmans ou de faire du tort à l'islam. Mais si les musulmans agissaient selon le Coran et la Sunna et qu'ils s'éloignaient de ce genre de choses-là et qu'ils délaissaient la politique de ces koufars, ils n'auraient pas tous ces problèmes-là. Hein? Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit maqalatu khata'u maqalat al-harakiyin. Il dit wa kullu alladhi nuridu ta'kiduhu anna maqalat al-harakiyin aw ba'dihim. نعم أن المسلمين يعيشون في غياب الإسلام ليلبسوا على الناس أمر دينهم وليوهموهم بأن ما نحن عليه ليس بالإسلام أن هذه المقولة وهذا التصرف خطأ محض وعلى قائليها أن يرجعوا إلى رشدهم فنحن نعلن هنا بأن ما نحن عليه هو الإسلام نفسه بل لا إسلام غير هذا الذي نحن عليه ولا نعترف بأي مفهوم غير هذا المفهوم الذي نحن عليه للإسلام لأنه هو الحق وحده ونحن على يقين في ذلك ويجب أن نكون على يقين في ذلك مع اعترافنا بتقصيرنا في العمل والتطبيق إذ لا ندعي الكمال ولا ندعي أن إيماننا كإيمان أبي بكر وعمر وغيرهما من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولكننا نرجو أن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان لأننا ولله الحمد والمنة على منهجهم لم نغير ولم نبدل. Donc يعني وإن كنا دونهم بكثير وكثير عملا وتطبيقا وقوة وإيمان عملا وتطبيقا وقوة وإيمان فلأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم ضعفا وقوة لأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. Donc le cheikh ici il dit un point important. Il dit ce qu'on veut confirmer et certifier ici, c'est que la parole des harakiyin ou de certains d'entre eux, quand ils disent que les musulmans vivent dans l'absence de l'islam, que l'islam n'est pas présent, et qu'ils disent ça pour tromper les gens dans les affaires de leur religion, pour leur faire croire que ce que nous suivons, ce n'est pas l'islam, le cheikh il dit, on veut confirmer que cette parole c'est une erreur absolue, c'est une erreur pure, une erreur claire, et que les gens qui ont dit cette parole-là doivent revenir à la droiture, parce que nous déclarons aujourd'hui que ce que nous suivons c'est l'islam, et qu'il n'y a pas d'islam autre que cet islam que nous suivons, et nous reconnaissons que toute autre compréhension autre que la compréhension que nous avons de l'islam, que c'est que c'est pas une bonne compréhension, c'est-à-dire toute autre compréhension que notre compréhension de l'islam que nous avons, eh bien c'est autre que la vérité, et que notre compréhension de l'islam c'est la seule qui est la vraie, et nous sommes convaincus de cela, et il est obligatoire d'être convaincu de cela tout en reconnaissant toutefois que nous avons nos manquements dans la pratique et dans l'action. On ne prétend pas être parfait, on ne prétend pas que notre foi est comparable à la foi de Abu Bakr ou la foi de Omar ou d'autres parmi les premiers musulmans, parmi les muhajirines et les ansars, mais nous espérons être parmi ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Parce que, par la grâce d'Allah, hein, et nous remercions Allah pour cela, nous suivons leur voie, et la même voie qu'eux. Et nous n'avons rien changé dans la religion, hein, par rapport à eux, et nous n'avons rien modifié. Même si nous sommes, hein, beaucoup plus bas qu'eux, par rapport à l'action, par rapport à l'application, par rapport à la force de la foi. Hein? وقوه ايمان لان المؤمنين يتفاوتون في ايمانهم parce que les croyants ils sont tous à des degrés différents dans leur foi par rapport à la faiblesse par rapport à la force de leur foi sont tous dans des degrés différents pourquoi parce que la foi elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés et le cheikh il dit وهذا امر معلوم لدى طلاب العلم فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. C'est-à-dire, et ça c'est une chose que les étudiants en sciences savent, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, le verset 43 dans Surat al-A'raf, hein, il dit, louange à Allah, celui qui nous a guidés à cela. Et nous n'aurions pas été guidés si ce n'était de la guidance que Allah nous a donnée. Hein? Donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Et le cheikh il dit فَلْيَثْبُتْ شَبَابُنَا عَلَىٰ دِينِهِمُ الْحَقِّ عَقِيدَةً وَشَرِيعَةً وَلْيَحْمِدُ اللَّهَ عَلَىٰ هَذَا التَّوْفِيقِ مَعَ طَلَبِ الْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ سُبْحَانَهُ مَعَ الْاِعْتِرَافِ بِالتَّقْصِيرِ كَمَا قُلْنَا وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَصْغَوْا il a talbis il mulabbis. Hein? Donc le cheikh il dit que nos jeunes restent fermes sur leur vraie religion, dans leur aqidah et dans la sharia qu'ils ont, et qu'ils remercient Allah de ce succès que Allah leur a donné d'être sur la vérité, et qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les augmenter en grâce et en bien, tout en reconnaissant en même temps notre faiblesse, notre manquement. Hein, et les limitations qu'on a, hein, comme on l'a dit déjà, et il dit qu'il n'est pas permis qu'on porte l'oreille ou qu'on donne l'oreille aux tromperies des gens qui trompent les gens dans la religion. Il dit وبعد هذا الاستطراد الطويل الذي دعت الحاجة إليه نعود فنقول حقيقة الشورى في الإسلام. Donc, après avoir fait cette longue présentation qui était nécessaire, hein, eh bien, on va maintenant revenir au sujet qui est la réalité de la Shura dans l'islam. Il dit « لقد كثر الكلام في هذه الأونة الأخيرة عن الشورى في الإسلام وهي في حقيقتها لا تعدو أن تكون بذل النصح للمنسوح بطلب أو بدون طلب كما أسلفنا وهي أمر مشروع في الإسلام. » Donc, il y a eu beaucoup de paroles dans les temps derniers. Hein, dans les derniers temps, on a parlé beaucoup de la Shura. Et en réalité, c'est rien d'autre que de donner le bon conseil à une personne, soit parce qu'il nous a demandé de le faire, ou soit parce qu'il nous a demandé de lui donner le bon conseil, ou même s'il ne nous l'a pas demandé, mais on lui donne. Donc, c'est ça en fait la Shura, la consultation, c'est de donner la nasiha, hein, c'est de donner le bon conseil. Et ça, c'est quelque chose qui est légiféré dans l'islam. Après, le cheikh il dit وَلَا يَخْتَلِفُ إِثْنَانْ فِي مَشْرُوعِيَةِ الشُّورَى. Il n'y a pas deux personnes qui divergent au sujet de la légitimité de la Shura. لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَهَا مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. Et parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, en a fait une des caractéristiques des croyants. بَلْ حَثَّ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ. Et même que le Coran a incité les gens à, disons, utiliser ce moyen-là et à faire preuve de sincérité et à donner le bon conseil et à se consulter les uns les autres. Et il dit حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي تِعْدَادِ كَثِيرٍ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. C'est les versets dans Sourate Shura. Bon, il y a même une sourate dans le Coran qui s'appelle Shura. Hein? Donc c'est pour dire que c'est très important quand même dans l'islam. Puisque s'il y a une sourate qui s'appelle comme ça, donc ça veut dire que ça a quand même une importance très grande dans l'islam. Donc juste pour mentionner les versets qui ont été lus maintenant en arabe, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des croyants, c'est les versets 36 à 39 dans le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants en disant qui évitent, en parlant des croyants, il dit qui évitent de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent après s'être mis en colère. Donc ça, c'est des caractéristiques des croyants. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des grands péchés, ni des petits péchés. Ils évitent les grands péchés. Et ils pardonnent. Quand ils se sont mis en colère, ils pardonnent. Et qui répondent à l'appel de leur Seigneur, qui accomplissent la salat, qui se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Et qui dépensent de ce que nous leur attribuons. Et qui, une fois atteint par l'injustice, riposte. C'est-à-dire, quand tu es atteint par l'injustice, tu te défends et tu ripostes. Donc ça, c'est des exemples, des caractéristiques des mu'minines, des croyants, que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Puis, parmi ces exemples-là, il mentionne la shura. « وَأَمْرُهُمْ shura بَيْنَهُمْ » Il dit « هذه مجموعة من صفات المؤمنين يعرضها القرآن الكريم حثا عليها » Donc ça c'est un groupe, donc un ensemble de caractéristiques des croyants que le Coran nous présente. Et il les mentionne pour nous inciter à avoir ces caractéristiques-là. « وتتوسطها الشورى » Et au milieu de ces caractéristiques-là, on mentionne la shura. لِأَنَّ الْمُؤْمِنِ إِذَا مِنْ دَعْبِهِ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاضِعًا غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ Il dit, parce que le croyant, une de ses caractéristiques et de ses habitudes, c'est qu'il est modeste et humble. Il n'est pas arrogant et fier. فَلَا يَمْنَعُهُ كِبْرُهُ مِنَ الْإِسْتِشَارَةِ Et donc, à cause de sa modestie, il va pas laisser de l'orgueil ou de l'arrogance l'empêcher de demander aux gens de lui donner conseil. Comme si quelqu'un il est arrogant et fier, il dit j'ai pas besoin des conseils des gens parce que moi je suis comme si je suis intelligent, je suis fort, j'ai pas besoin de prendre le conseil des autres. Mais le croyant il est pas comme ça. Le croyant il est modeste et humble, et quand quelqu'un quand il a besoin de faire quelque chose, il n'est pas certain, ou bien il a besoin de clarification, ou bien il veut faire les choses de la meilleure façon possible, eh bien il va aller demander à quelqu'un ou à des personnes de lui donner des conseils s'ils ont des idées ou des choses comme ça. Donc le cheikh dit كما ينبغي أن يكون متأنياً في تصرفاته ومتزيناً ومتريثاً وذلك يعني أن لا يقدم على عمل ما إلا على بصيرة. Le cheikh il dit qu'il faut donc que le croyant il soit reposé et qu'il prenne son temps de faire les choses bien. Il n'est pas pressé, précipité pour faire des choses. Il réfléchit et il prend son temps dans son comportement. Il attend, il regarde, il observe, il juge, il fait des choses qui sont posées. Et il dit parmi les exemples de ça, c'est qu'il ne va pas se précipiter à faire un travail ou à faire une action, sauf après avoir une bonne compréhension de ce qu'il doit faire. Et il dit والشورى هي السبيل إلى ذلك في الأمور الغامضة غير الواضحة. Il dit que la shura c'est la façon dont on doit agir dans les questions qui sont obscures ou compliquées, difficiles, qui ne sont pas claires. Donc s'il y a des situations qui sont un peu ambiguës ou compliquées, on ne sait pas comment agir vraiment de la meilleure façon dans ces situations-là, eh bien dans ces situations-là, il faut utiliser le moyen de la Shura pour demander conseil à des gens qui sont spécialistes ou qui sont plus expérimentés dans un domaine, qui vont nous donner des conseils pour savoir comment agir dans des situations pareilles pour éviter des conséquences mauvaises ou des problèmes ou des choses de ce genre. Et il dit وَمَا خَابَ مَنْ اِسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اِسْتَشَارَ ça c'est un proverbe que les gens disent en arabe. مَا خَابَ مَنْ اِسْتَخَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اِسْتَشَارَ, c'est-à-dire celui qui fait istikhara, c'est-à-dire il va faire la prière de consultation, il va pas être déçu, hein, ou bien il va pas être perdant, hein, et celui qui demande conseil, il va jamais avoir de remords parce qu'il a demandé conseil avant d'agir. Donc c'est un proverbe, ma khaba man istakhar wa la nadima man istashar. Et il dit ولذلك ينبغي لولي الامر بخاصه ولجميع المسؤولين والعاملين بعامه الاكثار من الشورى في موضع الاستشاره التي سبقت الاشاره اليه. Et il dit c'est pour cette raison que le dirigeant en particulier mais pas seulement le dirigeant, toutes les personnes qui ont une responsabilité ou un travail qui a rapport avec les choses générales, le public, des choses comme ça, des choses publiques, eh bien, il doit faire preuve de discernement puis utiliser souvent la shura, la consultation, dans les moments ou dans les situations où il a besoin de conseil, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et donc, on voit que, en fait, on n'a pas parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps dans les sociétés des koufars maintenant. Ils parlent toujours, il faut être démocratique, il faut utiliser la démocratie, il faut utiliser ci et ça. En réalité, c'est pas ça ce qu'ils veulent dire. Parce qu'il n'y a personne qui fait des votes pour chaque décision de sa vie. Il n'y a pas des gens qui vont, par exemple, dans chaque chose qu'ils veulent faire, ils vont dire aux gens, bon, on va voter. Puis on vote à chaque fois, c'est la majorité qui l'emporte. Non. Des fois, qu'est-ce qu'on a besoin seulement? C'est juste de demander des conseils ou bien de se consulter, prendre les opinions de chacun pour voir c'est quoi le point de vue de chacun sur ces différentes choses-là. Donc, si par exemple, on est un groupe de personnes, puis on est réunis pour faire un projet, et on ne sait pas vraiment comment faire ce projet-là de la meilleure façon. Donc on dit, ok, chacun va dire son point de vue pour savoir comment on va faire. Donc, un va dire son point de vue, et l'autre va dire son point de vue, et chacun va parler. Et à la fin, celui qui est responsable, il prend les notes, il écrit chacun qu'est-ce qu'il dit. Puis après, une fois qu'il a pris toutes ces idées-là ensemble, il va comme analyser ça, puis il va voir qu'est-ce qui est le plus correct ou le plus bénéfique ou la meilleure position. Et si il peut même des fois comme prendre des opinions puis laisser d'autres de côté, prendre deux opinions des fois, si il y en a deux qui sont bonnes, il les met ensemble ou des choses comme ça, Yanni. Mais c'est pas nécessaire d'utiliser la démocratie pour arriver à s'entendre, pour arriver à prendre le conseil des gens. Yani entre les musulmans, ça a toujours existé. Et même chez les koufars, avant qu'il y ait la démocratie. Quand il n'y avait pas la démocratie en Europe ou dans les autres pays, les gens, ils faisaient comment? Ils se consultaient. Il y avait le roi, c'est vrai, il y avait un roi. En Europe, par exemple, il y avait des rois, mais le roi, il ne décide pas tout seul. Il y a les notables, il y a les conseillers, il y a les proches du roi, et il demande des conseils, tout le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau que ces gens-là ont amené avec la démocratie. Non, exactement. Exactement. L'histoire de Bilqis, avec Suleyman, et Suleyman qui demandait conseil, et Bilqis qui demandait conseil. Donc on a vu plein d'exemples de ça. Et donc de penser que parce que même Pharaon, exactement. Donc c'est des bons exemples que tu mentionnes qui nous font comprendre en même temps que la consultation c'est quelque chose qui est nécessaire. On peut pas s'en passer. Mais qu'est-ce qui est différent avec la démocratie? C'est que eux ils veulent imposer aux responsables une opinion au nom de la majorité. Par exemple, ils vont dire, bon, si on a un responsable, mais qu'il demande conseil aux différentes personnes, puis qu'ils ne sont pas d'accord, eh bien là, la majorité va imposer son opinion sur le responsable. Dans ce cas-là, pourquoi on a un responsable? On n'a pas besoin d'un responsable, hein? Pourquoi t'as voté pour lui si t'es pas d'accord avec ce, si tu fais pas confiance à ses jugements? Bon, il peut se tromper, mais en même temps, si t'as voté pour lui, dans ce cas-là, il fallait un petit peu avoir confiance quand même. Donc c'est tous des exemples, ça, qu'est-ce qu'on voit. Quand tu dis qu'un dirigeant il fait un projet ou il prend une décision, après il présente sa décision à ses membres, aux députés, au Parlement, puis le Parlement refuse la décision. Ben oui, c'est des niaiseries, parce que tu dis, bon, dans ce cas-là, il n'est pas vraiment le... Ouais, c'est comme des jeux, exactement. Moi, je me demande, dans ce cas-là, c'est pour ça que des fois, je me dis, c'est qui est le dirigeant dans ce pays, des fois? Je me pose toujours la question, je me dis, est-ce que ce gars-là, c'est vraiment lui qui est au pouvoir? Celui qui est dirigeant là, ici, c'est lui qui est au pouvoir. Il n'a pas d'autorité, il ne peut même pas faire. Un gouvernement. Ça y est. Donc c'est pour ça moi que je pense que si un dirigeant est vraiment dirigeant et qu'il décide qu'il donne un ordre, qu'il dit quelque chose et que c'est quelque chose qui n'est pas en opposition ou en contradiction avec les règles ou les lois, bien, dans ce cas-là, il devrait être capable de pouvoir le faire. Mais, en tout cas, ça c'est une autre question qui est un peu plus compliquée des fois. Où en étions-nous maintenant? Le cheikh, il dit... Il dit... Wa yastashir fi kulli amrin ahl al-ikhtisas. Donc, il dit, il demande conseil dans chaque affaire aux gens de la spécialité. C'est-à-dire les gens qui sont spécialisés dans un domaine en particulier. Hein? Donc, il dit, فَفِي الْمَسَائِلَ الْفِقْهِيَّةَ الْمُتَجَدِّدَةَ الَّتِي تَتَطَلَّبُ قِيَاسَ الْعِلَّةِ لِإِلْحَاقِ الْفَرَعْ بِالْأَصْلِ بالعلة لمعرفة حكم الله فيها يستشار الفقهاء وأهل العلم بالشريعة. Donc ici il donne des exemples. Il dit premièrement, par exemple, dans les questions qui ont rapport avec le fiqh, les questions de fiqh qui sont des questions de fiqh qui sont à propos des questions qui se renouvellent. Hein? Comme par exemple des questions sur des choses qui sont pas connues dans la société auparavant, des choses qui arrivent qui sont nouvelles. Il faut que les savants fassent un qiyas pour savoir le verdict dans ces différentes choses qui arrivent qui sont nouvelles dans la société. Donc ça prend des fuqaha qui connaissent la sharia, qui connaissent la science, pour être capable de faire ce genre de qiyas et pour arriver à nous donner le verdict d'Allah sur ces différentes choses qui sont nouvelles. Donc, dans des questions comme ça, le dirigeant, il va demander conseil aux fuqaha, aux ulama de fiqh. Ça, c'est un exemple. Parce qu'eux sont spécialistes là-dedans. Il dit, « Wa fil umur al-harbiya, al-askariya, al-mu'aqqada, yustasharu al-khubara al-askariyoun, al » Donc il dit, dans les questions qui ont rapport avec les affaires militaires, les affaires qui sont compliquées et qui nécessite des militaires expérimentés. Donc, dans des questions comme ça, le dirigeant va s'adresser aux spécialistes des questions militaires et les gens qui ont l'expérience et la connaissance dans ces sujets-là. Et c'est eux qui vont parler. Ils ne vont pas demander l'explication ou la réponse aux questions militaires à des gens qui ne connaissent pas, hein, ou des gens dans la rue, tu vois, comme tu dis. Parce que ce n'est pas eux qui peuvent régler ça. Et tu vois, des fois, par exemple, ici, ils font des émissions de ligne ouverte à la télé ou à la radio, et ils vont demander l'opinion des gens sur telle ou telle chose. Ça, c'est juste du divertissement. Pour dire la vérité, c'est juste pour faire parler les gens. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas eux qui vont décider à la fin de l'émission qu'est-ce qui va arriver ou qu'est-ce qui ne va pas arriver. Eux, c'est juste pour parler, c'est tout. Mais là où se prennent les décisions, c'est dans les quartiers généraux de l'armée ou dans le parlement ou dans les endroits officiels. C'est là que les décisions vont se prendre. Si c'est aux États-Unis, c'est dans le Pentagone, c'est dans le Parlement, la Maison Blanche. C'est là que les décisions se prennent. C'est pas dans les émissions de télé, dans les radios, dans la rue, quand les gens font des manifestations. Ça change rien, ça. Hein? Mais dans l'islam, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est les responsables qui font appel à des spécialistes pour avoir des réponses sur des sujets. C'est pas juste comme ça quelqu'un qui va donner son point de vue dans la rue, puis on va l'écouter, parce que c'est lui qui le dit. Même ici, les koufars, par exemple, quand ils veulent se prononcer sur une question, que ce soit politique ou autre, ils sont obligés de faire des études pour analyser la situation. Et c'est pour ça qu'à chaque fois ils demandent, ils vont ordonner une commission d'enquête pour faire une étude sur un sujet pour savoir si oui ou non c'est vrai telle ou telle chose. Hein? Donc par exemple, quand ils vont dire, bon ben, nous on voudrait faire un nouveau projet d'éducation dans les écoles, on veut introduire dans les écoles tel programme, un nouveau programme. On veut faire une réforme. Donc là, ils vont dire, oui, mais dans ce cas-là, vous voulez changer ça, vous voulez ramener ça. Est-ce que vous avez des preuves, des études qui montrent que cette méthode-là, elle va être plus efficace que les autres? Donc là, ils doivent ramener des preuves. Ça ne peut pas être dit, non, mais je pense que ça va être bon parce que c'est comme ci, comme ça. Il faut des preuves, il faut des études, hein, avec des données qui vont prouver que cette chose-là, elle est vraiment efficace. Donc, là, ils vont faire une étude, il y a des spécialistes, des chercheurs qui vont commencer à faire des analyses, des tests, des expériences pour analyser les choses, puis après, ils vont sortir avec un résultat, un document, puis qu'ils vont l'étudier pour voir les résultats, puis pour savoir par la suite, est-ce que c'est bon, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Et là, ils vont prendre une décision. Parce que sinon, ce serait pas sérieux. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Ça, c'est très important de comprendre comment les choses fonctionnent. Après, le cheikh, il dit, وَفِي الْأُمُورَ الْحَرْبِيَةِ Donc, on a mentionné l'exemple de ça. وَهَكَذَا دَوَالِيكِ بذلك يتم التعاون بين ولي الأمر ورعيته وهو أمر معمول به في هذا البلد السعودية ولله الحمد. Donc il dit, c'est ainsi dans toutes les différents domaines ou aspects de la vie, et c'est ainsi qu'il y a de la collaboration et de l'entraide entre le responsable, le dirigeant et ses sujets, hein, les gens qui lui obéissent. Et il dit que ça, c'est une chose qui est appliquée dans ce pays, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. Il dit, par la grâce d'Allah et par sa louange. Et il dit, ولكن الذي نلاحظه في هذه الأيام أنه كثر اللغط واختلط الأمر على بعض الكتاب المعاصرين بتأثير من النظم الدستورية الحديثة من غربية وشرقية حتى جهلوا حقيقة الشورى في الإسلام، فأخذوا يفسرون الشورى بما يشبه الديمقراطية أو بها نفسها، إذ كثيرا ما نسمع أو نقرأ لهم وهم يقولون الديمقراطية الإسلامية. Donc le cheikh il dit que on a remarqué, on a observé ces derniers temps un mélange chez certains auteurs contemporains qui ont été influencés par les systèmes constitutionnels modernes, que ce soit en Orient ou en Occident, et ils ont ignoré la réalité de l'islam et de la shura dans l'islam, et ils ont commencé à interpréter la shura par quelque chose qui ressemble à la démocratie, ou même par la démocratie elle-même. C'est-à-dire, ils l'ont interprété par la démocratie elle-même. Et on entend souvent, ou on lit souvent, de la part de ces auteurs, l'expression « la démocratie islamique ». Le cheikh, il dit « wa démocratia nizamun ajnabiyun lafzan wa ma'nan kama taqaddam wal islamu asma wa arfa'u min an tufassar adalatuhu bid démocratia ». Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un point ici, c'est très important. Il dit la démocratie, c'est un système étranger à l'islam, dans le mot lui-même et dans sa signification. Donc le mot démocratie, il est étranger à l'islam, et sa signification aussi est étrangère à l'islam, comme on l'a dit déjà. Et l'islam est plus élevé, et plus grand et plus élevé que yani la démocratie. Ouais, étrangère à l'islam dans le mot et dans la signification. L'islam est trop grand et trop élevé pour être interprété, ou pour qu'on interprète sa justice par la démocratie. Et qu'est-ce que le cheikh ici veut dire? C'est que est trop grand et trop élevé pour qu'on interprète sa justice par la démocratie. En voulant dire que l'islam vaut plus et est plus élevé que la démocratie. Donc d'appeler l'islam démocratique, c'est une insulte pour l'islam. C'est comme si on était en train de rabaisser l'islam en disant ça. Et pour qu'on interprète sa justice par comme étant la démocratie. C'est-à-dire qu'on dit que la justice islamique, c'est la démocratie. Ça c'est faux, yani. Il dit لأن الإسلام رسالة الله العادلة الباقية والديمقراطية حكم البشر. Donc il dit parce que l'islam, c'est le message juste d'Allah qui est éternel, tandis que la démocratie, c'est le jugement des hommes. لأن حكم الشعب الناضج الذي يحكم نفسه بنفسه كما يزعمون بواسطة نواب البرلمان الذين يسنون القوانين ويشرعون التشريعات ويضعون العقوبات على حسب رغبة الشعب دون التفات إلى شرع الله العليم الحكيم وهم موظفون لدى الشعب لتنفيذ رغبتهم ومعرضين عن شرع الله الذي أنزله في كتابه على رسوله وأمينه على وحيه وأمره أن يحكم بين الناس بما أنزل الله فالإيمان بهذا النظام يتنافى والإيمان بالله ورسوله وبكتابه. Donc le cheikh il dit que le jugement du peuple, comme eux, qu'est-ce qu'ils interprètent que la démocratie, c'est le jugement du peuple par le peuple, comme ils le prétendent, par l'intermédiaire des députés dans le Parlement qui font des lois et qui légifèrent des législations nouvelles et qui établissent des peines et des punitions selon le désir du peuple, il dit, sans se retourner vers la charia d'Allah, vers la législation d'Allah, l'omniscient et le sage, et eux, ils sont des employés du peuple pour exécuter leurs désirs et qui se détournent de la charia d'Allah, de la législation d'Allah que Allah a fait descendre dans son livre et sur son messager, hein, celui à qui il a confié sa révélation et qui lui et à qui il a ordonné de juger entre les hommes selon ce que Allah a révélé. Donc on voit clairement ici que le système démocratique vient en opposition totale avec la foi en Allah, en son messager et en son livre, hein, puisque tu ne peux pas respecter la règle d'Allah si tu te bases sur la démocratie. Alors le cheikh il dit wa qad tawarradat fil iman بهذا النظام الغربي الجائر والعمل به بل دعوة إليه بعض الجهات مع دعوة الإسلام تقليدا للغرب. وإذا كان الغرب أو الشعوب الغربية اتخذت رجال البرلمان أربابا من دون الله يحللون لهم ويحرمون عليهم ويتبعونهم في ذلك فتلك عبادتهم. Donc le cheikh il dit, et on a vu comment la foi de ces gens-là a été, hein, corrompue et salie par cette croyance en ce système occidental injuste, hein, et le fait d'essayer de l'appliquer ou même d'appeler à le suivre de la part de certaines instances. Et comme par exemple, on voit le groupe des frères musulmans, et on a vu comment ils ont appelé à la démocratie, ils ont même essayé d'interpréter l'islam selon la démocratie. Ils ont dit que l'islam c'est la volonté du peuple, il faut respecter la volonté du peuple dans l'islam. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que dans l'islam, on doit respecter et obéir à la volonté du peuple. Non, eux, ils interprètent l'islam comme étant comme ça. Oui. Oui, eux, ils disent l'islam, c'est de respecter la volonté du peuple. Oui, ils disent dans l'islam, tu dois respecter la volonté du peuple. Et il y a des vidéos où on entend même Morsi qui dit ça. Dans ses discours, en voulant dire que le peuple il a voulu, donc il faut l'écouter, l'obéir. Sauf que quand le peuple a voulu l'enlever, il n'a pas voulu l'écouter. Mais là il a dit non, ça c'est un complot, c'est ça. Bon, quand ça marche juste quand c'est en leur faveur, mais quand c'est contre eux ça marche plus. Et c'est ça qui est malheureux, tu vois. Quand le peuple fait des manifestations contre un dirigeant qui est en opposition avec les frères musulmans, eux, ils supportent la manifestation. Mais quand la manifestation est faite contre eux, là, yani, ils ne savent plus quoi faire. Et ils la condamnent. Hein? Non, c'est ça. Pourquoi vous acceptez quelque chose quand c'est pour vous, mais quand c'est contre vous, vous prétendez que vous êtes d'accord avec le principe, mais vous contredisez en le critiquant par la suite. Donc, tu ne peux pas permettre les manifestations contre les autres, mais l'interdire quand c'est contre toi. Ça ne fait pas de sens. Hein? C'est pour ça que nous, on l'interdit dans tout, pour tout. Et que ce soit pour nous ou contre nous, c'est interdit de faire des manifestations, hein, dans l'islam. Donc, ça, c'est clair. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Le cheikh, il explique que ça c'est un système injuste et que certains ils appellent à ce système là parce qu'ils suivent l'Occident aveuglément. Ils suivent l'Occident et les peuples occidentaux qui ont pris des parlements et qui ont pris les députés et le parlement comme des seigneurs en dehors d'Allah, qui rendent halal pour eux ce qui est haram et qui rendent haram pour eux ce qui est halal, et ils les suivent dans ça. Et donc ça c'est une forme d'adoration pour eux. En agissant ainsi, c'est comme s'ils adoraient les députés. Hein? Donc c'est du shirk. C'est du shirk avec Allah. Qu'est-ce qu'ils font? Et il y a un hadith à ce sujet-là. le hadith de Adi ibn Hatim, qui est clair, qui est très célèbre à ce sujet. Donc, quand tu vois par exemple les Ikhwan qui ont en Égypte essayé d'utiliser la démocratie pour arriver au pouvoir, qui sont arrivés au pouvoir et qui ont été mis en dehors du pouvoir aussi juste après une année après, donc c'est pour dire, yani, que cette méthode, c'est pas la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, et la façon dont ils essaient d'avoir le pouvoir, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est des gens qui se pensent intelligents, mais la réalité c'est que c'est des gens qui rentrent dans le jeu des koufars et qui à la fin finissent par devenir comme eux. Hein, ils finissent à devenir comme eux, c'est-à-dire quand tu les regardes, comment ils font et comment ils sont, à la fin tu vas pas pouvoir les distinguer des non-musulmans. Hein. Même faut s'éloigner du vote, il faut pas voter, il faut pas rentrer dans les élections ou dans ces genres de choses-là. Excepté si c'est un cas de nécessité, comme par exemple, qu'est-ce que certains savants ont mentionné dans certaines situations. Dans ces cas-là, ok, ça c'est des cas d'exception, mais la règle de base, c'est que c'est un système qui est en opposition avec l'islam et qui est interdit par l'islam et que le musulman, dans son cœur, doit rejeter totalement. C'est à l'encontre de l'islam et des fondements même de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Parce que ça implique que tu vas rendre halal ce qui est haram et tu vas rendre haram ce qui est halal. Et que tu vas mettre des hommes à la place de Dieu dans la législation. Et ça, c'est du shirk. Hein? Donc le shaykh, il a dit. Après il dit دون الرجوع الى il dit نعم واذا كان الغرب او شعوب الغرب او الشعوب الغربيه اتخذت رجال البرلمان اربابا من دون الله يحللون لهم ويحرمون عليهم ويتبعونهم في ذلك فتلك عبادتهم دون الرجوع الى تحليل الله وتحريمه. C'est-à-dire qu'ils ne retournent pas à ce que Allah a rendu halal et ce que Allah a rendu haram pour savoir qu'est-ce qui est licite ou illicite, légal ou illégal. Ils retournent uniquement à ce que les députés ont décidé dans le Parlement. Et ça, c'est comme s'ils avaient jugé par autre que le jugement d'Allah et c'est de légiférer par autre que ce que Allah a légiféré. Et c'est de mettre à la place d'Allah des seigneurs et des égaux avec Allah. Hein, et de les adorer en dehors d'Allah. Hein, mais il dit ولكنهم لا يؤمنون بحكمية الله تعالى وحده. Donc ils croient pas en les occidentaux, ils croient pas en le fait que c'est Allah seul qui a le droit de juger, hein, lui seul. Et il dit فهل يسوغ للمسلمين تقليد الغرب في هذا النوع من الكفر. Est-ce que c'est permis aux musulmans de suivre aveuglément l'Occident dans cette sorte de coffre, واتخاذ مصدر آخر للتشريع غير شريعة الله عز وجل. Et est-ce que c'est permis de prendre comme source ou comme comme référence ou comme source dans la législation une autre référence et une autre source que la charia d'Allah? On a le droit de faire ça, c'est-à-dire de laisser la charia d'Allah de côté, laisser le Coran et la Sunna de côté, puis de se baser sur autre que la charia d'Allah pour juger. Donc le cheikh il dit هذه المؤسسات الجاهلية مثل البرلمان ومجلس الأمة أو مجلس الشعب كلها تدعو إلى شريعة مضادة لشريعة الله. Donc il dit toutes ces parlements là sont des institutions d'ignorance et de jahiliya. Que ce soit le parlement, l'assemblée de la nation ou l'assemblée du peuple, tout ça sont des choses qui appellent à une charia qui oppose la charia d'Allah. Hein? Ça c'est clair. Et après le cheikh il dit وَهَذَا يَعْنِي عَدَمُ الرِّضَى بِشَرْعِ اللَّهِ وَحُكْمِهِ. Donc ça, ça veut dire que tu vas pas être ça veut dire ne pas être satisfait d'Allah et de sa législation et de son jugement. Ou عدم الاقتناع بعدالة الإسلام. Ou bien, ça veut dire que tu n'es pas convaincu de la justice de l'islam. tu crois que l'islam n'est pas juste. Et c'est ça la réalité de ces gens-là. Regarde maintenant, regarde qu'est-ce qu'elle dit, Fatima Ouda Pépin, par exemple. Elle dit que l'islam, elle est injuste. Que le fait de porter le voile, c'est une oppression de la femme. Le niqab, le voile, le tchador, peu importe comment elle l'appelle, le voile intégral, pour elle, ça c'est un signe de rabaissement de la femme et de soumission de la femme. Donc, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, pour elle, il est injuste. Parce qu'il a légiféré ces lois-là. Et que l'islam, il est injuste pour elle. Parce que l'islam a légiféré ces choses-là. Et la charia d'Allah, qui est dans le Coran et dans la sunna, pour elle, c'est quelque chose qui est rétrograde. Quelque chose qui est passé date. Quelque chose qui ne peut plus être applicable à notre époque. Et elle se moque de la charia d'Allah. Et même quand elle parle avec les kuffars et les laïcs, elle rit des musulmans et de la charia d'Allah, députée de la pinière. Mais c'est parce que ça c'est les idéologies des Ikhwan. Ils vont même jusqu'à dire que si tu votes pas, tu désobéis à Allah. Ils sont en train de dire non seulement que la démocratie c'est bien ou c'est correct, ils sont même en train de dire que c'est obligatoire et que c'est comme un devoir islamique de voter. Yani, dans quel Coran, dans quel sunna ils ont trouvé ça? Yani, alors qu'on sait tous que dans la démocratie, c'est de légiférer en dehors d'Allah, de faire des lois dans le parlement et d'appeler les hommes à rendre halal ce qui est haram et à rendre haram ce qui est halal. Hein? Donc comment tu vas légiférer ce genre de choses-là? Il y a même Qardaoui, il a écrit un texte là-dessus. Il essaie de défendre le fait que la démocratie c'était islamique, ou de dire qu'il y a deux sortes de démocratie. Et Tariq Ramadan, il a dit ça lui aussi. Il y a différentes interprétations de la démocratie, et il y en a différentes sortes de démocratie. Il y a une démocratie qui est correcte, mais il y a une démocratie qui est contraire à l'islam. Il dit, subhanallah, ça c'est toi qui l'as inventé. Mais si tu vas voir les koufars, ceux qui ont inventé la démocratie et qui l'appliquent, eh bien, pour eux, il y a une seule démocratie, c'est la démocratie qui dit que c'est le peuple qui dirige le peuple et que c'est eux qui vont faire les lois dans le parlement. C'est ça la démocratie pour les koufars. C'est pas autre chose. Et que le peuple doit être la source de toutes les différents pouvoirs, que ce soit le pouvoir juridique ou législatif ou exécutif. Ils disent que la source de ça, c'est le peuple. Donc, c'est ça la démocratie. Tu vas me dire que ça, c'est dans le Coran? Jamais de la vie. Donc, c'est des gens qui mentent. C'est des gens qui mentent. Soit qu'ils sont des ignorants, ils savent pas c'est quoi la démocratie, ou bien ils savent pas c'est quoi l'islam, ou bien les deux, ils savent pas. Ou bien que ce sont des gens qui savent, mais que ce sont des gens égarés qui veulent égarer les gens. Et non, ça, c'est ça. Il y a deux catégories, les ignorants puis les égarés et les égareurs. Il y en a beaucoup. Pas contraire à la charia. Eux, ils disent que c'est en accord avec la charia. Oui, c'est ça que tu voulais dire. Il y en a. Exactement. Bon, on va lire un autre paragraphe, puis on arrête un petit jusqu'à la fin de cette page, puis on s'arrête, ok? Il dit le cheikh ensuite, وَهَذَا يَعْنِي عَدَمُ الرِّضَى. Donc ça veut dire que tu ne dois pas être convaincu de l'islam et d'être satisfait de la charia d'Allah, et que tu dois ne pas être convaincu de la justice de l'islam. Ça, c'est exactement la situation de ces kuffars. Ils ne sont pas convaincus que l'islam c'est la justice pour l'homme et pour la femme, et que les lois que Allah a légiférées dans le Coran et dans la Sunna pour les hommes et pour les femmes, c'est la justice totale et la justice absolue. Même s'il y a des différences dans les différentes règles qui sont ordonnées par Allah dans le Coran pour l'homme et pour la femme, les règles qui sont ordonnées par Allah pour les hommes et pour les femmes sont les plus justes. Même si les koufars, eux, pensent que c'est de l'injustice. Même si, eux, ils pensent que c'est une oppression pour la femme aussi, et ça. Donc ça c'est selon eux, mais pour le mu'min, pour le croyant, pour la croyante, c'est pas comme ça. Elle ne voit pas la vie de la même manière que les kuffars. Donc elle ne juge pas de la même manière que les kuffars dans ces questions-là. Et le cheikh dit ensuite « Wa huwa mawqifun fi ghayatil khutura ». C'est une position qui est très très dangereuse. Parce que regarde, logiquement, tu regardes par exemple la position par exemple comme Ouda Pépin, qu'est-ce qu'elle dit? Tu dis, bon, toi tu es musulmane, tu dis que tu es musulmane, oui ou non? Elle dit, oui, je suis musulmane. Ok, tu es musulmane. Le Coran, est-ce que ça vient d'Allah? Oui ou non? Oui, ça vient d'Allah. C'est la parole d'Allah? Oui, c'est la parole d'Allah. Ok, donc c'est le haqq. Tout ce qui est dedans, c'est la vérité absolue. Et il n'y a rien de faux dedans. Oui, c'est toute la vérité absolue et il n'y a rien de faux dedans. Ok, et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui est authentique dans cette sunna? Ça vient d'Allah aussi? Oui, ça vient d'Allah aussi. Ok, d'accord. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran telle chose. À propos de l'homme, à propos de la femme, à propos du voile, à propos de l'héritage, à propos du mariage, à propos du divorce, à propos de ci, à propos de ça. Toi, tu crois en ça ou tu crois pas en ça? C'est la justice ou c'est l'injustice? Là, elle dit non, j'y crois pas. Ou bien non, ça c'est de l'injustice. Donc, ça veut dire que pour toi, celui qui a révélé ce Coran et qui a révélé la Sunna sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de l'injustice. Donc, ça veut dire pour toi, ton Dieu est injuste. Alors que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il ne fait pas un poids d'atome d'injustice. Inna Allah la yadlimu misqala dharra. Donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne fait pas un poids d'atome d'injustice? Et il dit, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ceux qui transgressent les limites d'Allah, voilà ceux qui sont les injustes. Donc tu me dis que ce n'est pas ceux qui transgressent les limites d'Allah qui sont injustes, c'est ceux qui appliquent les limites d'Allah qui respectent les limites d'Allah qui sont injustes. Ceux qui respectent les limites d'Allah sont les injustes, et ceux qui transgressent sont les justes. Tu contredis qu'est-ce qui est dans le Coran. Donc, tu dois te placer à quelque part. Tu dois choisir ton camp. Et celui qui choisit son camp, eh bien, après, il est responsable de qu'est-ce qu'il fait. Et au jour de la résurrection, il va voir où ça va l'amener. Bien entendu, si elle dit ça réellement, ça veut dire qu'elle sort de l'islam. Parce que celui qui contredit le Coran avec connaissance et qui oppose les versets d'Allah avec science et qui le fait par orgueil ou bien par opposition à ce que Allah a révélé, bien il n'est pas croyant, il ne peut pas être un croyant. Celui qui rend halal ce qui est haram avec connaissance, il sort de l'islam. Donc tout ça c'est des choses très, très graves. C'est pour ça que le cheikh il dit, c'est la limite du danger, c'est très dangereux. Et il dit, إذ يقول الله تعالى مخاطبا لرسوله عليه الصلاة والسلام ومبينا لحقيقة الإيمان بالحاكمية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc le cheikh il dit, ça signifie, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à son prophète dans le Coran et il lui explique la réalité de la foi en le fait que Allah est le seul juge et qu'on doit également prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme juge aussi dans qu'est-ce qu'il a clarifié de la religion. Et il mentionne le verset 65 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge dans toutes les disputes ou dans tous les désaccords qui se produisent entre eux, puis qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucun inconfort ou aucune gêne en eux-mêmes par rapport à ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent complètement. » Ça, c'est la condition pour être un croyant. Que ce que Allah a jugé, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété, tu dois l'accepter et t'y soumettre avec une soumission totale. Donc, si tu ne te soumets pas et si tu n'acceptes pas le jugement du messager d'Allah, eh bien, tu n'es pas un croyant. puisque Allah il dit non par ton Seigneur ils ne seront pas croyants. Donc si tu ne fais pas ça, tu n'es pas croyant. Et il dit أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. C'est-à-dire, est-ce que c'est le jugement de la jahiliya qu'il recherche? Mais qui est meilleur en jugement pour un peuple qui a la certitude? Qui est meilleur en jugement pour un gagné? Qui est meilleur en jugement que Allah pour un peuple qui a la certitude? Pour un peuple qui a la certitude, il n'y a personne qui est plus juste et meilleur que Allah dans le jugement. Ça, c'est les règles qu'on est en train d'expliquer. C'est les règles générales. Et c'est-à-dire qu'on ne va pas déclarer un individu kafir sans avoir auparavant établi les preuves. Et ça, c'est les ulama qui déclarent les gens kuffar s'il y a les règles qui sont appliquées. Parce qu'à notre époque, les takfiriens, ils utilisent souvent ces questions-là pour essayer de faire le takfir des gens. Et ils prennent les versets et les hadiths et les règles et ils vont par la suite essayer de les appliquer par eux-mêmes sur des individus. Et à cause de ça, ils vont faire sortir de l'islam des gens sans connaissance. Peut-être ils vont même parler de quelqu'un, dire qu'il est mécréant, avant même d'avoir respecté les conditions qui sont établies par les ulama pour ces choses-là, ouais. Donc, ça ne veut pas dire qu'on mentionne ces choses-là de quelqu'un, que ce soit Fatima ou Dapépin ou autre, que ça veut dire qu'on est en train de faire le takfir de ces gens-là, mais ça veut dire plutôt qu'on est en train d'expliquer que y a des règles et il y a des principes dans l'islam qu'on doit respecter. Et qu'il y a des choses que si quelqu'un les dit ou les fait ou les croit, que ça va les faire sortir de l'islam. Ça, c'est les règles et les principes. Comme par exemple, on dit, si quelqu'un, par exemple, rend halal ce qui est haram, il est kafir. Ça, c'est une règle générale. Maintenant, pour appliquer ça sur la personne en particulier, sur un individu spécifique, eh bien, il y a des conditions à respecter et il y a des empêchements à éliminer. Et une fois que ces choses-là sont là, eh bien là, on peut appliquer le verdict sur un individu. Mais ça, comme j'ai dit, ça se fait par un savant ou par quelqu'un qui a la connaissance de ces questions-là en détail, qui connaît bien les choses, et non pas par n'importe qui, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe à notre époque, c'est ça, c'est qu'il y a des juhal, des ignorants qui commencent à faire le takfir de gens sans preuve et sans connaissance, et à cause de ça, ils ont fait beaucoup de tort, surtout les khawarij à notre époque à ce sujet-là, c'est grave. Donc le cheikh il dit fa'ala ulaik الذين يفسرون الشورى بالإسلام بهذا النظام الغربي الكافر أن يصححوا معلوماتهم بل عليهم أن يصححوا إيمانهم لأن الدعوة إلى البرلمان دعوة إلى اتخاذ أرباب من دون الله كما أسلفت. Donc le cheikh il dit, donc ceux qui interprètent la shura comme étant quelque chose qui fait partie de l'islam ou comme étant de l'islam, eh bien, il interprète l'islam par ce système occidental mécréant, eh bien, ces gens-là doivent corriger leurs connaissances, vérifier leurs connaissances, et même ils doivent corriger leur foi. Parce que d'appeler au Parlement, c'est comme si tu appelles à prendre des égaux avec Allah, hein, ou en dehors d'Allah, comme on l'a expliqué déjà. Donc ça c'est, on va s'arrêter avec ça, puis on continuera au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.